êtes pas rigole. Tout ce qui nous intéresse dans ce rap, c'est les love. Ils parlent sur nous, c'est fils d'eux. On va leur forcer le respect comme Zidane. Je défonce la porte, je sonne pas quand j'arrive dans le game. Faut que ton VIP, je change, prends mon billet et je flex. J'ai ta love vers la hala hala hala. Tu plonges dans ses yeux, dans son boule, c'est la noyade. Elle veut des bidets, elle s'en donne les moyens. Laser me frappe, prends les coups. Mes frères ont tous un passé qui fait rap. En tant que tout pour le tout. Tout à gagner, rien à perdre. Et toi, vive votre rythme, me donne de la sévère. J'écoute tes mythes, d'autres fils de pute, j'en rigole. J'suis à loup, j'ai aiguisé mes chicots. Ma nègre, ils sont en évase. Skinny, mais ça qu'on est balèze. Corsila, miseria hasta luego. Algeria, Marocchino, Ruppe, Vene, Fulle, Milio, Versace, Valentino, Yadras, Al-Aukino. Guarda in casa, Huya, Nikla, Polis, Nussi, Solid, Solid, Jazz, Sister, Sosis. Andete, Zambi, Mshaw, Riscao, Vapor, Dea, Staxo, Donor, Baccio, Leut, Ballon. L'amor di Ari, Kishi, Worka, La Fia, Shala, Fia, Dorka. Yemma, Yemma, Buena, Dollar, Yemma, Yemma, Kmina, Buka. Walu walu walu mala shark risk walu walu walu saf saf saf basta al bayda whisky saf saf saf jatay khoya baba habibi mama fi qalbi qalbi bughi ana ma amri hubbi hubbi hubbi hubbi bitch ma qiraash al marwa ala shala di mash tqwada njaya jar waqt talak sababak bla ma qtlak smush bla shada papa papa qal li wint ya amr de bosh baqi nasen. Drum drum kira, roli roli migo, mille corsila, miseria sta luego. Algeria, Marocchino, troppe vene, vene.